Les yeux verts, couleur dollar, du silicone plein la poitrine, se fout des douleurs du tolard, joue l'icône derrière les vitrines, conne, c'est sa mère qu'elle insulte. Escroque son aspect amer, se comporte en inculte, se moque bien du respect, les siens s'emballent pour un cul. Pour un écu se vante de mon vécu, je l'ai vu prendre la balle dans le camp des vaincus. Elle roule en berline allemande, en crédit revolving, elle nous met à l'amende en crédit dans les grands holdings. Pas maline, elle s'affiche, trop souvent au Carlton, nous laisse du vent sur les fiches de paix. Est-ce que cela t'étonne? La paix, elle s'en contrefiche, elle l'a flingué à la naissance, déglinguer la connaissance, préfère montrer ses montres aux riches. Ses frères sont au G8, elle s'exhibe dans la jet set, les miens s'imbibent, je rejette 7. Quand elle les tient sous cuite, du botox plein les lèvres, livide et sans cervelle, nos sales traits, nos vides, elle révèle, et c'est à l'intox qu'elle nous crève. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Aucun scrupule, aucune larme quand elle farde son visage. Dans son pull, elle planque des armes, regarde un peu le paysage. Prends garde, elle joue l'immaculée. Quand elle te cause des banques, derrière propose brolique et tank, des joues pour mieux nous enculer. Enfin bref, c'est l'ingratitude qu'elle baptise, pactise. Son attitude attise le froid, la faim, même dans nos fiefs. Elle serre des mains sans vergogne, dort sur ses deux oreilles. Et moi j'espère que mes vergognes, que demain n'est pas son pareil. Elle confond victime et bourreau, m'en se morfond à l'écran. Mais au fond, elle a du cran quand elle blâme ma team au barreau. Elle s'autoproclame légitime, équitable face aux gens. Mais à la table des dirigeants, elle parle argent sans les centimes. Sous les sentiments, elle se masque, perverse et corrompue. Elle converse à bâton rompu, quand ça va mal, on voit les casques. Endettée jusqu'au cou, la voix débauchée en Gucci. Et pour moi, pour nous, pour beaucoup, c'est elle qu'a fauché Colucci. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Pleine d'ego en talons aiguilles, dans nos comptes elle s'implique. Et si sans honte elle te réplique qu'on est égaux, elle fait l'anguille, sans répit déboussolé. Sous sa couverture, les petits bras veulent l'ouverture, puis craque qui va les consoler. Quand seule elle joue la folée, même pâle elle ne flippe pas, de nos gueules elle a raffolé. Et nous parle de triple A. Derrière ses fossiles, c'est la dureté qu'elle ravigote, des plans de carrière qu'elle dégote avec sûreté aux plus dociles. Elle vise nos domiciles, dans nos ailes c'est déteinté. Sa bêtise est un missile, guidée par la TNT. Elle élève même en exemple d'ex-X actrice dans mon cortex des cicatrices. Lorsque tous ses rêves ils contemplent sur ses épaules de la fourrure, car c'est une prédatrice, c'est elle qui tient la serrure, le monopole de la matrice. Du pain que des miettes, entre mouettes on se bouscule au loin. Moi je souhaite qu'elle bascule et la dépeint pour sa fillette. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque. Portrait de l'époque.